Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Les jours heureux, le titre est sublime. C'est celui donné au programme du Conseil National de la Résistance, le CNR, cet organisme qui combat et qui prévoit, qui combat l'occupation nazie et la collaboration, qui prévoit un avenir pour la France. D'ailleurs, nous sommes les héritiers de ces combats quand le 27 mai 1943, Jean Moulin réunissait pour la première fois le Conseil National de la Résistance. Et puis, nous sommes également les héritiers de ces débats qui aboutissent le 15 mars 1944 avec un programme adopté par le Conseil National de la Résistance. Et afin de faire connaître ce programme, une brochure est éditée, c'est en mai 1944, pour la zone sud, avec un titre choisi par Jules Meurillon, alors chef de la propagande diffusion de la Libération, Les Jours Heureux. Oui, mais derrière ce titre sublime se cache une vision du monde qui a aujourd'hui 80 ans et qui, étonnamment, nous parle encore... Oui, nous parle souvent de notre monde. Cette semaine dans le cours de l'histoire, résistance. Mais où sont passés les jours heureux? Les jours heureux, donc, le nom du programme du Conseil National de la Résistance. Comment unir ce qui est désuni? Cela nous a intéressé sur une émission. Quelles furent les voies prises par les résistants pour parler d'une seule voix? Et puis, cette semaine, également, des paroles de grands témoins, Anne Beaumanoir, justement, mais aussi Anis Postel-Vinet. Anis Postel-Vinet qui vient de nous quitter. Aujourd'hui, nous allons parler du programme du Conseil National de la Résistance. Nous allons parler du CNR, du Conseil National de la Résistance. Avec vous, Claire Andrieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en histoire contemporaine à Sciences Po. Vous êtes membre du Centre d'histoire de Sciences Po. Vous êtes l'auteur d'ouvrages autour de ce sujet qui nous intéresse parce qu'il parle vraiment de notre temps. Le programme commun de la résistance était aux éditions de l'Érudit en 1984. Ça date un peu, mais vous avez également fait paraître de nombreux ouvrages avec Philippe Brault et Guillaume Piketty, Le dictionnaire de Gaulle, c'est chez Robert Laffont. Et puis un numéro spécial intitulé Le programme du Conseil national de la résistance en perspective. C'est cette perspective qui nous intéresse dans la revue Histoire et Politique. Claire Andrieux, je me dois de préciser tout de suite, j'ai évoqué Anis Postel-Vinet. Anis Postel-Vinet est votre maman qui vient de nous quitter. Il y a cet entretien, Anis Postel-Vinet parle de vous et dit que vous avez été essentielle dans son cheminement parce que vous l'avez convaincue de la nécessité de transmettre, de témoigner. Vous avez souvenir de ces conversations, vous avez souvenir de lui avoir dit « mais si, il faut y aller, il faut dire les choses ». Oui, je m'en souviens. Ma mère n'était pas ce qu'on appelait autrefois, de manière légèrement péjorative, une ancienne combattante. Elle n'aimait pas donner des leçons de morale à propos de son passé à elle. Et elle n'éprouvait pas vraiment le besoin de parler d'elle. En revanche, elle avait fait des travaux de recherche historique sur les camps de concentration, puisqu'elle en avait connu un. C'est moi qui l'ai effectivement, enfin j'ai contribué, j'étais pas la seule à lui demander de laisser un témoignage, parce qu'il me semblait que depuis les années 1970, la résistance était mise en question, et c'était une façon d'attester le passé de la résistance que de l'évoquer. Et c'est pourquoi j'ai insisté pour qu'elle témoigne, bien qu'elle n'ait eu aucun goût pour le faire. Oui, nous sentons qu'il y a chez beaucoup de personnes qui ont vécu ces événements une difficulté à en parler. En parler n'est pas une volonté de raconter juste pour dire ce que l'on a vécu. Il y a comme un cap à franchir, presque une difficulté à surmonter pour aller dire ce que l'on a vécu, pour aller dire l'indicible, la difficulté. Comment l'expliquez-vous, Claire Andrieux? C'est parce que quand on a vécu des choses aussi intenses, en parler à d'autres, c'est peut-être se dire aussi mais comment je vais réussir à faire comprendre cette difficulté, cette intensité du moment? Oui, c'est très difficile. Il y a deux obstacles à surmonter. Le premier obstacle, c'est faire comprendre ce qu'est une vie clandestine. Est-ce qu'aujourd'hui difficile, puisque la France n'a pas été occupée ou sous dictature depuis maintenant plus de 70 ans. Et la deuxième difficulté, c'est de faire comprendre ce qu'est la vie dans un camp de concentration nazi. il y a une part de vécu qui est très difficile à transmettre et beaucoup de contresens peuvent être faits à propos de ce passé extraordinaire. Et ça fait partie de la difficulté à parler. La troisième difficulté, c'est que c'est un passé qu'il est difficile de mettre à distance et que d'une certaine façon l'évoquer, c'est le revivre. Et revivre ce cauchemar, et le mot cauchemar est un euphémisme, est quelque chose qui naturellement n'est pas souhaité par ceux qui en étaient victimes. Vous, Claire Andrieux, nous évoquons votre mère, hein, Annice Postel-Vinet, nous pourrions évoquer votre père également, compagnon de la Libération. Est-ce que la transmission mémorielle se faisait au sein de la famille ? Très peu, très peu. Elle s'est faite un peu, je dirais, à partir de 1978, lorsque des négationnistes en France se sont exprimés publiquement. Il y a eu cet article de décembre 1978 publié dans le journal Le Monde qui s'intitulait, si je me souviens bien, La Bonne Nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'était que les chambres à gaz n'avaient pas existé. Alors, partant de là, la position de ma mère en particulier a changé parce qu'elle s'est sentie l'obligation de prouver que les chambres à gaz avaient bien existé, y compris dans le camp de concentration qu'elle avait connu à Ravensbrück. Et là, elle a fait des travaux historiques de ce point de vue. Claire Andrieux, nous avons ici les deux cheminements. Il y a celui du témoignage et celui de l'histoire, ce qu'a fait Annice Postel-Vinet, votre mère, ce que vous faites, vous, historienne. Vous avez évoqué la difficulté de transmettre le vécu en tant que témoin. Pour l'historienne, c'est également la même chose. Pour étudier ces périodes-là, vous savez combien il est difficile. Nous ramassons tout dans un temps très court par quelques pages de livres pour résumer les enchaînements et comprendre les événements. Mais le vécu lui-même est difficile à définir et il est essentiel ce contexte de mise en place du Conseil national de la résistance et puis de l'élaboration du programme du Conseil national de la résistance. Ce vécu est difficile aussi à saisir, mais l'historienne doit le prendre en compte, il est essentiel. Ah oui, c'est même, je crois, la spécificité de l'histoire parmi les sciences sociales, c'est de mettre au premier rang la subjectivité des acteurs. Le contexte et donc la subjectivité des acteurs. Si on ne prend pas cet élément en considération, on est, je crois, assez éloigné de la discipline historique, qui est une science humaine. Qui est une science humaine, et c'est vrai que l'aspect humain est essentiel en faisant de l'histoire. L'histoire, c'est aussi de la chair, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des décisions, des cheminements, des destins du vécu qui aboutissent à des réflexions. Nous avons réfléchi sur une émission avec Laurent Douzou aux voix choisies pour unir la résistance. Les voix au sens de cheminement, pour parler d'une seule voix, au sens de la voix, de ce qu'on entend. La résistance s'unit difficilement. En 1943 a lieu la première réunion du Conseil national de la résistance. Claire Andrieux, à partir de quel moment l'idée d'un programme commun, d'un texte écrit, de mettre en papier, de mettre en forme, en mots, un objectif, apparaît-il? Est-ce qu'il existe avant la création du Conseil national de la résistance en 1943? Oui, cette idée est clairement exprimée dans une lettre de Léon Blum qui date de l'été 42. À ce moment, Léon Blum est en prison. Il a moyen, via son avocat, de communiquer discrètement, évidemment, avec l'extérieur. Et il écrit à De Gaulle, De Gaulle qui est à Londres. Donc la lettre va suivre un circuit très particulier, pour lui dire qu'il serait bon de reprendre l'exemple du Front populaire, et qu'il appelle dans sa lettre le Rassemblement populaire, qui était son véritable nom. Et comme on sait, le Rassemblement populaire avait rédigé un programme de Rassemblement populaire, et il préconise quelque chose comme, il a une formule un peu vague, quelque chose comme un nouveau programme de Rassemblement populaire. Et cette idée, donc, s'est répandue chez les socialistes clandestins et a même été clairement exprimée en juin 1943, donc juste après la première réunion du programme du CNR, où le populaire clandestin a pour titre « Le Parti Socialiste propose un programme commun de la résistance ». Il y a l'expression « programme commun » et il suit un programme qui est très marqué au sceau de l'idéologie socialiste. Mais donc l'idée est exprimée dès le mois de juin 1943. Ça correspond, enfin cette idée de programme commun est la transposition dans le domaine des organisations de la résistance d'un mouvement continu depuis 1941 d'unification. L'unité de la résistance s'est faite très progressivement, mais elle s'est faite par la base. Et dès 1941, les mouvements qui existent tendent à se rapprocher. Et en parallèle, l'idée de créer un programme commun traduit sur une scène publique, en vérité clandestine, cette volonté d'union. La volonté d'union, malgré tout, fait face à la réalité, c'est-à-dire la désunion, la résistance est quelque chose de multiforme. Les résistants viennent d'univers politiques, idéologiques même, ou sociaux complètement différents. La volonté d'union est quelque chose que l'on peut mettre par écrit, mais qui est très difficile à appliquer. Et ce problème-là doit se poser dès le début. Vous l'avez dit, hein, Claire Andrieux, cette idée d'un programme commun vient du monde socialiste, mais avec déjà la réflexion de se dire, ça va être très dur à mettre en place. Il va falloir beaucoup de synthèse pour trouver un programme commun. Oui, c'est ce qui est intéressant dans cette histoire du programme commun, c'est que justement, il a fini par être adopté à l'unanimité. Et ce n'était pas inscrit dans les astres. Et pour que cette union se fasse entre des tendances politiques et des milieux sociaux si différents, il a fallu un facteur extérieur qui était l'occupation, d'une part, l'occupation du territoire national, et d'autre part, l'usurpation de la représentation nationale par un gouvernement dictatorial et raciste siégeant à Vichy. Et si vous voulez, ce double couvercle mis sur la nation française telle qu'elle se considérait comme héritière de la Révolution a redynamisé la constitution d'un peuple français. Et ce nationalisme au sens littéral, cette volonté de recréer la nation, qui était donc bâillonnée, a certainement cimenté entre elles ces forces qui, en temps ordinaire, en temps de paix et de liberté, ne sont que rivales et adversaires. Claire Andrieux, vous prononcez ce mot « nation », nous sentons qu'il est essentiel dans l'union de la résistance et même dans les combats. La nation, défendre la nation. Et puis, quand un programme se met en place avec des discussions politiques obligatoires, il y a cette notion que vous avez évoquée aussi de démocratie. Lutter contre un régime dictatorial pour favoriser la démocratie est formidable, mais en clandestinité, il est difficile de mettre en place un système démocratique. Là aussi, j'imagine que pour les membres du Conseil national de la résistance, ça a dû être extrêmement ardu. Comment discuter quand il n'est pas possible de discuter? Oui. Alors, première chose qui est très intéressante, c'est que justement, on a discuté. On a discuté alors qu'on était clandestin avec des communications réduites au bouche à oreille, puisqu'on pouvait utiliser ni le téléphone, ni le courrier. Il n'y avait que les contacts directs qui pouvaient être utilisés. Ce qui est frappant, donc, c'est que la discussion a eu lieu. Ce qui distingue de manière radicale le phénomène résistant d'un phénomène de clandestinité qui peut assez facilement tourner à la secte, voire au terrorisme. La résistance, de par ses liens avec la nation en son ensemble, est restée une organisation délibérante et donc démocratique autant que faire se pouvait. Alors, en ce qui concerne le programme du Conseil de la Résistance, il a été discuté sur 9 mois, un temps qui est, je dirais, ni long ni court. Ce n'est pas long vu la multitude des forces à amener dans un seul mouvement. Et ce n'est pas court parce que, justement, les communications étaient si difficiles. La première discussion a lieu au mois de juillet, août 43. Donc il y a eu six versions qu'on peut appeler provisoirement définitives. La première est venue de Londres, du commissaire à l'intérieur de la France libre, qui s'appelait André Philippe, qui était un député socialiste, et qui envoie de Londres un projet de charte économique et sociale, qui envisage une socialisation étendue de l'économie française. Ce projet, en fait, suscite l'opposition des droites, représentées par deux partis au Conseil national de la Résistance, et suscite aussi l'hostilité du Parti communiste, pour qui ce projet socialiste n'est qu'un projet réformiste. Et donc, il n'est pas suivi. Au mois de novembre suivant, le Front national propose à son tour un programme d'inspiration communiste, d'origine communiste. C'est un programme qui est discuté entre le représentant du Front national, dont il faut rappeler qu'à l'époque, il s'agit d'un organisme de résistance qui est dans la mouvance du Parti communiste. Et donc, ce programme discuté avec Jacques Duclos, le secrétaire général du Parti communiste, ce programme est un programme légèrement réformiste et assez peu engagé. Il suscite l'intérêt des membres du Conseil national de la Résistance, et chacun, les socialistes, les mouvements de résistance, apportent leurs pattes. Et finalement, après plusieurs rebondissements, le programme est adopté au mois de mars, et le programme adopté est beaucoup plus marqué à gauche que le programme proposé par le Front national en novembre 43. Et là, ce programme de 44 a donc été intensément discuté entre novembre 43 et mars 44, et il a fini par réunir l'ensemble des membres du CNR, de ce qu'on appelait l'extrême-gauche à l'époque, c'est-à-dire le Parti communiste, jusqu'aux droites qui étaient libérales, en passant par les mouvements de résistance dont les orientations étaient diverses. Et le 15 mars 1944, le programme du Conseil national de la Résistance est adopté. Claire Andrieux, je vous propose d'écouter la lecture d'un extrait de ce programme ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture, une lecture par Olivier Martineau. Né de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la Résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération. Ce n'est, en effet, qu'en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation, que la France retrouvera son équilibre moral et social, et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité. Aussi, les représentants des organisations de la résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques, groupés au sein du CNR, délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944, ont-ils décidé de s'unir sur le programme suivant, qui comporte à la fois un plan d'action immédiate contre l'oppresseur et les mesures destinées à instaurer dès la libération du territoire un ordre social plus juste. Conseil national de la Résistance, adopté le 15 mars 1944. Claire Andrieux, ce programme du Conseil national de la Résistance est une synthèse de tout ce qui pouvait être discuté auparavant, de façon à ce que tout le monde puisse signer, de la droite au Parti communiste. Cette synthèse a été adoptée en mars 1944. Elle faisait vraiment l'unanimité. Est-ce que ce programme a été facilement accepté? Oui, alors, et ce programme, on le voit d'abord par le fait que les délégués qui étaient les plus réticents, puisque c'est un programme de gauche, le contenu est un programme de gauche, le terme principal c'est la démocratie économique et sociale. Le fait que les deux représentants des droites aient accepté, ce n'est pas seulement parce que la nation était en danger de disparition, mais c'est aussi parce que, je le présume, il faudrait le montrer de plus près, ces résistants étaient conscients de l'ambiance nationale qui était en train de se catalyser et qui s'est traduit à la Libération par une approbation massive des mesures préconisées par le programme. On peut dire, donc rétrospectivement, on a la preuve que ce programme était en phase avec les volontés de nationales et n'était pas le produit d'une petite minorité d'avant-garde. En vérité, en 44-45, la France entière était d'avant-garde. Et en revanche, il y avait bien une arrière-garde, mais elle était minoritaire. C'était l'arrière-garde issue de la collaboration. Pour être plus précis, les sondages d'opinion qui reprennent dès 44, en fait dès septembre 44 à Paris, montrent d'emblée que plus de la moitié des sondés sont favorables aux nationalisations. Là, on est donc à l'automne 44. Et à l'automne 45, quand la nation en son ensemble est appelée à élire ses députés, 80% des députés sont élus sur des programmes favorables au programme du CNR. On a donc une approbation par la nation d'un programme conçu dans la clandestinité par, on peut dire, si on veut réduire les effectifs de manière la plus précise, par les 16 membres clandestins du Conseil national de la Résistance. Et ce qui, à mon avis, prouve qu'ils étaient dans la nation et pas extérieurs. Et dans les décisions proposées par les uns, par les autres, qui aboutissent à ce programme du Conseil national de la Résistance, il y a plusieurs directions de réflexion. Et c'est en ça aussi que ce programme est un reflet de la pensée de ce moment, de la construction du futur à ce moment, alors que ça nous parle encore aujourd'hui. Mais il y a déjà des réflexions autour de ce qu'est la nation, de ce qu'est la France, une république, une démocratie. Ça, c'est tout un aspect qui est clairement affirmé dans le programme du Conseil national de la Résistance. Oui, là, il n'y a aucun doute. La Résistance était pour le rétablissement des libertés, pour le rétablissement de la République. En revanche, les résistants n'étaient pas très précis, du moins ceux du Conseil national de la Résistance, sur le type de constitution qu'il faudrait instituer. La réforme de la Constitution de la Troisième République était pourtant à l'ordre du jour en France depuis les années 30, et dans la clandestinité, il y a eu une vingtaine de projets de nouvelles constitutions pour une Quatrième République. Donc le sujet était bien dans la résistance à l'ordre du jour, mais le CNR ne l'a pas abordé, probablement parce que les conflits auraient été trop vifs. Comme on a pu le voir à la Libération, entre ceux qui voulaient prolonger la Troisième République, ceux qui voulaient un régime complètement différent, comme par exemple le Parti communiste proposait une forme de démocratie inspirée par celle de l'URSS. Je me doute que les membres du Conseil national de la Résistance n'ont pas osé aborder ce sujet qui allait être explosif. De même que ils n'ont pas abordé le sujet du vote des femmes, parce que, au moins au témoignage de l'un d'entre eux, si le sujet avait été abordé, le Parti radical aurait fait obstruction, le Parti radical étant résolument hostile au vote des femmes. Il y a donc des sujets qui n'ont pas été abordés, probablement par crainte d'une scission au sein du CNR. Oui, le programme du Conseil national de la Résistance est évidemment politique. En tant que tel, il donne des pistes de réflexion politique. Mais en fait, ce n'est pas du tout un changement de constitution. Claire Andrieux, en gros, la Troisième République aurait pu se poursuivre après la Seconde Guerre mondiale. Le programme du Conseil national de la Résistance n'était pas compte. C'est plutôt en fait des grandes pistes de réflexion sur les directions que doit prendre le pays après la guerre. Oui. Mais enfin des pistes tout de même très précises, parce que il y a cette idée que, selon l'expression du programme qui vient d'ailleurs de Jacques Duclos, communiste, du retour à la nation des grands moyens de production, donc des nationalisations importantes, il y a l'idée d'un plan de développement économique Il y a l'idée de la sécurité sociale et il y a l'idée de la participation des travailleurs à la direction des entreprises. Ce sont donc quatre directions bien définies qui, d'ailleurs, ne sont pas prises une par une, ne sont pas originales à l'époque. Les programmes des partis socialistes ou sociaux-démocrates européens de l'époque préconisent ce genre de mesures. Ce n'est pas original. Ce qui est original dans le programme du CNR, c'est qu'il propose la panoplie entière, les quatre piliers, la sécurité sociale, les comités d'entreprise, les nationalisations et le plan. Et en cela, la France est relativement en pointe. Elle est restée, après la guerre, la mise en place de l'État-providence en 1945, en France, s'est faite de manière large et consensuelle. Claire Andrieux, cette approche comparatiste que vous nous proposez, et c'est vrai nécessaire pour comprendre dans quel contexte est mis en place ce programme du Conseil national de la Résistance. C'est vrai qu'il y a le plan Beveridge au Royaume-Uni au même moment qui propose des choses similaires. Et il faut aussi replacer ce moment, l'adoption du programme du Conseil national de la Résistance, aussi sur le temps long, comparé mais avec ce qui se passait avant. Ce n'est pas une création non plus ex nihilo. Il y a déjà des réflexions avant-guerre sur ces pistes à prendre. La sécurité sociale, par exemple, n'est pas quelque chose qui est né dans l'esprit des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Déjà auparavant, il y avait ces réflexions chez les hommes politiques et les syndicalistes également. Oui, il y avait eu les grandes lois d'assurance sociale en 1928-30, mais il y avait un mouvement général. Par exemple, l'expression même de sécurité sociale, on la rencontre déjà aux États-Unis sous la présidence de Roosevelt en 1935. Et Roosevelt était considéré, le New Deal de Roosevelt était un modèle pour une partie de la gauche en France. Aussi, la nationalisation de certains grands moyens de production était souhaitée quelquefois même par des techniciens, des ingénieurs comme ceux de l'électricité. Il y avait en France 1632, si je ne me trompe, compagnies d'électricité en France dans les années 30. Il était certain que l'unification du réseau avait un sens. Il y a donc la nationalisation des banques aussi était envisagée dans les années 30 par un futur résistant qui s'appelle Christian Pinault, qui va ensuite adhérer au Parti Socialiste, et qui jouera un rôle dans la nationalisation des banques après la guerre. Il y a donc un passé d'idées, de discussions avant la guerre. Il y a le modèle du New Deal américain. Et toutes ces idées fleurissent en Angleterre, qui est pendant la guerre un pays libre. Le plan Beveridge est publié en 1942. Il est connu non seulement des Français libres à Londres, mais même de la résistance intérieure. Il y a donc le sentiment d'être aussi porté par un mouvement général d'opinion. Claire, ce qui a aidé certainement les membres du CNR à prendre leurs décisions. Claire Andrieux, vous avez évoqué l'importance du New Deal, la politique mise en place par le président des États-Unis Roosevelt pour répondre à l'énorme crise née après le krach boursier de 1929. Eh bien moi je vous propose, dans le cours de l'histoire sur France Culture, d'écouter une chanson qui a servi pendant la campagne électorale de Roosevelt, donc dans les années 30. Cette chanson, c'est Happy Days Are Here Again de Ben Selvin. Et cette chanson, Happy Days, rappelle les jours heureux, le nom donné sur une brochure au programme du Conseil national de la Résistance. Allez savoir, l'inspiration de ce nom, Les Jours Heureux, vient peut-être de cette chanson. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Thank you. Happy Days Are Here Again, Belle Selvine, une chanson qui date de 1929, qui a connu un grand succès dans les années 30 aux États-Unis et puis même en Europe. Et sans doute, cette chanson a inspiré ce titre pour le programme du Conseil National de la Résistance, Les Jours Heureux. Claire Andrieux, ce programme du Conseil National de la Résistance a été difficile à mettre en place. Il est mis en place, c'est une synthèse avec énormément de propositions, mais plus que des pistes, vous nous l'avez bien dit, nous savons où nous devons aller, il y a un programme. Ce programme est mis en place le 15 mars 1944. La question est comment le diffuser, comment le faire connaître, ça c'est aussi très difficile. Oui, puisqu'on est encore en France occupée, et aussi, il me semble que certains membres du Conseil national de la Résistance hésitent à le diffuser, puisque une partie du programme vise l'après-guerre, peut-être aussi parce que il faut dire que les deux tiers du programme ne concernent pas l'après-guerre, mais l'immédiateté, et l'union s'est faite très difficilement sur cette première partie du programme où il s'agit de décider si oui ou non les résistants déclenchent l'insurrection avant le débarquement ou en liaison avec le débarquement. Le débat, c'est de savoir si la résistance est souveraine en son territoire ou si elle doit tenir compte des impératifs de la stratégie alliée. Et donc, probablement aussi, des impératifs du général de Gaulle, qui était parfois vécu comme un personnage lointain et trop intrusif dans les affaires de la résistance intérieure. Il y avait donc là un débat et important, et c'est peut-être à propos de cette hésitation que le programme n'a pas été très diffusé dans la clandestinité. Les journaux des partis socialistes et communistes clandestins l'ont évoqué néanmoins. Et à ma connaissance, il n'a été publié in extenso que par le journal de Libération, le journal Libération de Zone Sud. Et en outre, les Jours Heureux sont ce qu'on appelle un petit format et qui a été imprimé dans la clandestinité, donc au printemps 1944. C'est un petit format, c'est-à-dire quelque chose comme 12 cm de haut et 6 de large. Et ce petit format est intitulé « Les jours heureux » pour camoufler à l'intérieur le programme du CNR. Donc là, il y avait une intention de diffusion. Il n'est pas sûr que cette petite brochure ait été véritablement diffusée dans la clandestinité. En revanche, elle l'a été à la Libération, ça c'est certain. La Libération, effectivement, pour ce programme du Conseil national de la Résistance, donc qui est adopté en mars 1944, il y a la nécessité de le diffuser dans la clandestinité dans un premier temps. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement des Alliés en Normandie. À la fin du mois d'août, Paris est libéré. Et le 12 septembre 1944, le général de Gaulle est à Paris. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du général de Gaulle devant le palais de Chaillot. C'est le 12 septembre 1944. À la base de son activité nationale, nous dirons qu'elle entend faire en sorte que tout en donnant à chacun le maximum possible de liberté et en encourageant dans tous les domaines l'esprit d'entreprise, elle veut faire que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Le général de Gaulle devant le palais de Chaillot le 12 septembre 1944, non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Voilà la politique qui doit être mise en place. Claire Andrieux, le général de Gaulle s'impose comme la figure majeure de la résistance et puis après au moment de la libération. Le programme du Conseil national de la résistance est adopté immédiatement par le général de Gaulle ? Le général de Gaulle n'a jamais, comment dire, n'a jamais ratifié, encore moins signé, le programme du Conseil national de la Résistance. Il exprimait de son côté, dans ses discours depuis l'automne 1941, des idées convergentes. Il y a une grande convergence entre les idées exprimées par le général de Gaulle et le programme du CNR, mais de Gaulle s'est toujours tenu à distance du programme, Et même dans cette réunion du 12 septembre 44, qui est une réunion qui célèbre, en fait, 15 jours après la libération de Paris, qui célèbre l'union de la résistance intérieure et de la résistance extérieure, on peut le dire ainsi, le général de Gaulle, qui est président du gouvernement provisoire, remercie le CNR de son action au nom du gouvernement, c'est-à-dire qu'il lui-même, de Gaulle, se situe en surplomb par rapport au CNR et par rapport à son programme. Donc, s'il n'a pas entériné, ratifié, signé ce programme, il a tout de même à la tête de son gouvernement provisoire, qui comprenait des communistes, des socialistes et des chrétiens, il a poussé à ce que les mesures envisagées soient réalisées parce que, du fait de sa culture militaire et nationale, de Gaulle était tout à fait partisan du redressement de la nation par le pouvoir de l'État. Il y avait chez de Gaulle un dirigisme qui correspondait à sa culture militaire et qui correspondait aussi à l'implication qui avait été la sienne dans la rédaction de la loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre, qui avait été adoptée en 1938 par le Parlement, mais qui en vérité était préparée déjà depuis 8 années. Et donc de Gaulle y avait participé, et pour lui ça ne faisait aucun doute que l'État devait prendre en main ce qu'il appelait les grands leviers de l'économie nationale. Dès lors, entre le gouvernement provisoire de la République française et le Conseil national de la Résistance, se noue un dialogue après la libération. Comment se construit en fait ce dialogue? Parce que nous avons un gouvernement provisoire, soit, mais un gouvernement, et puis un conseil issu de la Résistance. Il y a une question de légitimité qui se pose dans les deux cas, ou une question de dialogue au moins. Comment se construit-il, Claire Andrieux? Alors, ce dialogue se construit de manière, je dirais, un peu cas un cas, fondamentalement par la mise, par la marginalisation du Conseil national de la Résistance de plus en plus manifeste. De Gaulle et son gouvernement représentent la légitimité. Le 23 octobre 1944, quand les Alliés enfin reconnaissent ce gouvernement provisoire comme le gouvernement de la République française, jusqu'à présent il n'était pas reconnu comme tel, c'est De Gaulle qui est reconnu, c'est pas le Conseil national de la Résistance. Et d'ailleurs le CNR n'a pas essayé de jouer la rivalité avec le gouvernement provisoire. En revanche, il a essayé de maintenir certaines de ses prérogatives ou de celles qu'il pensait devoir conserver. Et il y a eu des escarmouches, je crois qu'on peut le qualifier ainsi. Alors fondamentalement, le CNR a toujours salué le gouvernement de la République et sa présidence en la personne du général de Gaulle. Il était d'ailleurs, après la libération, il vivait sur les fonds de la République et il a joué un jeu qu'on peut dire conforme à son sens de l'État. Par exemple, quand l'Assemblée consultative provisoire qui siégeait à Alger s'est transportée à Paris et a été élargie, c'est le CNR qui a contribué à l'élargissement de cette Assemblée. Il avait donc des fonctions limitées, mais réelles. Le CNR a également joué un rôle ambigu, mais finalement, je crois, temporisateur, face aux tentatives de république démocratique socialiste qui surgissaient par-ci par-là en France, notamment dans le Sud-Est. Et le CNR n'a pas, soufflé sur les braises. Il n'a pas essayé d'encourager ces mouvements relativement insurrectionnels. En même temps, le CNR a protesté contre la dissolution des milices patriotiques qui avait été prononcée par le gouvernement fin octobre 1944. Et ces milices patriotiques avaient été créées sur l'impulsion du Parti communiste. Le CNR a donc protesté contre leur dissolution, mais sans aller au-delà de la protestation. C'est donc un jeu, si vous voulez, de maintien d'une présence, C'est un peu de un jeu de poil à gratter, mais il n'y a pas eu. On ne peut pas parler de double pouvoir comme on peut en parler dans certains cas où un pouvoir, par exemple, au moment de la révolution soviétique, la révolution communiste en d'octobre 1917, où il y a eu un pouvoir des soviets contre le pouvoir légal. Non, il n'y a pas eu cela en France, surtout qu'à partir de janvier 1945, le Parti communiste, en la personne de Maurice Thorez, son secrétaire général, a demandé un retour à l'ordre républicain, c'est-à-dire que le Parti communiste s'inscrivait clairement dans l'État républicain présidé par le général de Gaulle. Et puis quelque chose peut nous étonner, Claire Andrieux, c'est que les membres du Conseil national de la Résistance ne deviennent pas forcément des figures politiques majeures au sens où ils s'investiraient dans l'Assemblée ou alors dans l'exécutif, au gouvernement. Ils ne se mettent pas en avant dans l'action politique, même si leurs idées, et vous nous l'avez dit, hein, Claire Andrieux, sont extrêmement influentes, hein, parce que 80% des députés, c'est ce que vous avez rappelé, suivent le programme du Conseil national de la Résistance. Mais les membres du Conseil national de la Résistance ne font pas de politique. Non, c'est-à-dire ils font de la politique, mais pas au sens d'une carrière de député. Là, je crois que c'était presque inscrit dans les astres, c'est-à-dire que l'action résistante, l'action clandestine, cette forme de militantisme très particulière, a peu de points communs avec la députation et même l'élection et l'activité d'un élu qui, par définition, a besoin d'une parole libre et exprimée en public. Si bien que, en effet, très peu de membres du CNR, parmi ceux qui n'étaient pas députés avant la guerre, sont devenus, parmi les résistants qui ont été membres du CNR, et il n'y a que un quart d'entre eux qui sont devenus des hommes politiques. Par exemple, je pense à Claudius Petit, et qui est devenu un député, et qui a été ministre de la 4e République, ministre de la Reconstruction. C'est un exemple. Mais la plupart sont retournés à leur métier. Et c'est pourquoi on se trompe quelquefois en soulignant le fait que les leaders de la résistance ont peu été présents sur la scène politique après la guerre, c'est qu'on confond une activité politique clandestine et une activité politique en temps de liberté. Ce n'est pas le même personnel, ça ne demande pas les mêmes qualités. Claire Andrieux, vous venez d'évoquer ce personnage, Eugène Claudius Petit, donc de l'Union démocratique et socialiste de la Résistance et membre du CNR. Je vous propose de l'écouter. Il est enregistré le 6 octobre 1945 à propos du référendum d'octobre 1945. Cette œuvre de reconstruction politique et économique qui doit être l'honneur de notre génération ne s'accomplira pas sans un rude combat dans lequel doivent être étroitement associées toutes les masses laborieuses du pays et toutes les forces organisées qui ont pour idéal commun de faire cesser l'exploitation de l'homme par l'homme. De cette préoccupation est né le programme du CNR qui sera à la base de l'activité de tout gouvernement démocratique. À l'avec du jour où le peuple va pouvoir enfin se prononcer, pourquoi rencontrons-nous des dévoués, des obscurs, des ardents, des humbles de la résistance, découragés et ne cherchant plus à entraîner le pays vers la grande aventure de la libération totale ? Le courage militaire était donc plus facile, le courage clandestin plus léger. À ce moment-là, on osait tout mettre en question, sa liberté, sa vie, tous ses biens, et jusqu'à sa famille, pourvu que triomphe la liberté. Maintenant, on craint de compromettre son avenir, son commerce, la situation que l'on a dans la cité semble imposer une sorte de neutralité. Comme si la bataille que nous avons à mener maintenant n'était pas la simple continuation de la bataille que nous avons menée et gagnée. Comme si nous pouvions rester neutres, alors que nous devons dire que la France veut être une grande république, une démocratie efficace, capable de bâtir le socialisme dans l'Occident de l'Europe. Comme si nous pouvions rester neutres devant l'implacable et certaine volonté de toutes les puissances d'argent de revenir à un état passé, dans lequel des gages savamment camouflés nous feraient retrouver une certaine facilité de vie. Eugène Claudius Petit, enregistré le 6 octobre 1945. Il faut faire cesser l'exploitation de l'homme par l'homme. Claire Andrieux, quelle est l'influence après-guerre du programme du Conseil national de la Résistance? Elle est essentielle, cette influence. C'est-à-dire que le programme est une base, en fait, sur laquelle peuvent s'appuyer tous ceux qui ont contribué à la libération et qui veulent construire un monde. Alors, peut-être pas nouveau, mais en tout cas différent de ce qu'il a été avant la guerre, ce qui a conduit à la guerre. Oui, un monde meilleur. Un monde meilleur. Et ce programme a servi de base, je dirais, d'étendard de ralliement aux partis politiques siégeant à la chambre, à la première Assemblée nationale constituante entre octobre 45 et le printemps 46. Parce que là, ont été votés à plus de 80% des voix. D'abord, la nationalisation de certaines banques, ensuite la nationalisation des compagnies d'assurance, la nationalisation des compagnies d'électricité et de gaz, la confirmation de la sécurité sociale, qui avait déjà été adoptée par ordonnance en 45, mais les dispositions de la loi de 46 l'élargissent. C'est donc une série de dispositions qui sont adoptées par les députés. Par ailleurs, des dispositions sont adoptées par décret, comme la création du commissariat au plan en janvier 46, qui est une création non seulement sur le papier, mais qui a eu un effet tout à fait réel et qui a impliqué les grandes forces de la production de l'époque, aussi bien les syndicats ouvriers que les syndicats patronaux et l'État, selon un modèle tripartite. Et les comités d'entreprise avaient été décidés par ordonnance, mais leurs pouvoirs ont été élargis par cette Assemblée nationale constituante en 46. Il y a donc une série de mesures qui vont toutes dans le même sens, qui sont adoptées en 45-46, soit par ordonnance, soit par vote à l'Assemblée élue, et qui transforment le paysage français. Il y a vraiment la fondation là d'un État-providence, qui est fondée non seulement selon les principes globalement de la gauche de l'époque, mais avec le soutien d'une grande partie de la droite. Il faut comprendre que à l'époque, les partis de droite ne représentaient plus que 10 à 15% des députés à l'Assemblée. Et cette unanimité, quasi unanimité, va, à mon sens, fonder la durabilité de ce programme et de ses principes, et faire en sorte que jusqu'aux années 80, il ne soit pas fondamentalement remis en cause. Il a été progressivement mis en cause, mais pas de manière fondamentale, comme ça a été le cas en Angleterre, par exemple, où les mesures analogues adoptées en 1945-47 ont été rapportées, c'est-à-dire abrogées, dès le retour des conservateurs au pouvoir, parce qu'elles n'avaient été adoptées que par les travaillistes. Que par une majorité travailliste. Claire Andrieux, vous nous expliquez clairement, et c'est vrai que nous comprenons en fait ces années qu'on appelle les Trente Glorieuses, et même après, combien elles doivent du programme du Conseil National de la Résistance, fondé sur une union de la Résistance. Mais vous évoquez la durabilité en allant jusqu'aux années 1980. C'est dans ces années-là que vous identifiez un éloignement du Conseil National de la Résistance, de ce que préconisait le programme. Ce sont les années 80 qui sont un moment de changement. En France, oui, ça dépend des pays, mais disons qu'en Europe, le coup d'envoi de la libéralisation de l'économie, c'est Madame Thatcher. C'est donc la fin des années 70. Et en France, la France a vécu un peu à contre-courant dans cette période, puisqu'en 1972, le Parti communiste et le Parti socialiste ont co-signé un nouveau programme commun. À l'époque, d'ailleurs, le programme du CNR était tombé dans l'oubli. Il n'est pas mentionné dans ce programme commun de 1972. Et ce programme commun a joué un rôle dans l'arrivée au pouvoir de la gauche en 1981. Je passe assez vite, il y a eu beaucoup de péripéties, mais en 81, la gauche arrive au pouvoir et donc applique ce programme commun qui, entre-temps, avait été abandonné, mais il existait. Et après l'application intensive du programme entre 81 et 83, comme on sait, 1983 marque un tournant, et peu à peu, la politique économique, la conduite de la politique économique s'inverse et conduit donc aux années très libérales, qui sont les années 1990. Et là aussi, il faut bien dire que cela rejoint un mouvement international. Ce n'est pas la France seule qui, tout d'un coup, adopte une nouvelle politique économique. C'est un mouvement international. Mais ce mouvement international atteint la France plus tardivement qu'ailleurs. Donc, je pense d'un héritage, culturel et politique. Donc la nécessité, l'obligation de regarder cet héritage pour comprendre la politique alors de ces années 80, 90 et encore la politique actuelle, avec cette réflexion autour du programme du Conseil national de la Résistance que vous nous apportez. Merci beaucoup à vous, Claire Andrieux. Merci. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Pierre Faucillon, une émission préparée par Amélie Perrault, Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Camille André et Camille Rijade. Demain, la croisade d'Ambroise Croizat pour la sécurité sociale, ou comment conserver la mémoire du Conseil national de la Résistance avec le réalisateur Gilles Perret. Et oui, comment parler de ces années-là. Et puis vendredi, grand témoignage, un document inédit, un entretien avec Anise Postel-Vinet. À demain dans le cours de l'histoire.